www.radio-mundial.be. La première. Il est 16h. Pierre-Yves Muggens avec vous, bonjour à tous. On n'en sait plus sur l'agression à l'arme blanche ce matin à Schaerbeek. Un homme a blessé deux policiers au couteau. Le parquet fédéral suspecte une attaque terroriste. Rizlane Kounda. Oui, ça s'est passé ce matin, vous l'avez dit, à Schaerbeek. Un homme armé d'un couteau a agressé deux agents de police. L'un a été blessé au cou et l'autre dans la zone abdominale. Mais leurs jours ne sont pas en danger. L'agresseur a été maîtrisé par une autre patrouille de police qui lui a tiré dans la jambe après une course-poursuite. Je vous propose d'écouter ce témoin. Il raconte ce qu'il a vu. J'ai vu l'agresseur qui frappait le policier à terre et il s'est mis sur lui, il l'a frappé au sol. Le policier s'est roulé un peu dans les buissons pour essayer de s'enlever, mais il l'a suivi, il continuait de le frapper. Et après, il a frappé la dame, elle est tombée, elle pleurait, elle était en sang. Le premier policier blessé était en uniforme. Ouais, oui, il était en uniforme et il avait son gilet pare-balles ouvert. Et la police est arrivée à ce moment-là et ils sont sortis de la voiture et ils l'ont tiré dessus. Des propos recueillis par Myriam Ball. L'identité de l'agresseur et son mobile ne sont pas encore connus. Ses jours ne sont pas en danger non plus. Mais l'affaire paraît suffisamment sérieuse puisque le parquet de Bruxelles l'a transmise au fédéral. Le parquet fédéral qui affirme sans donner plus de précision que tout porte à croire qu'il s'agit d'une attaque terroriste contre des policiers. Selon les premières informations, l'agresseur n'aurait pas émis de revendication. De gros retards sur le rayon en perspective aujourd'hui. Armez-vous de patience si vous devez prendre le train. La gare du Nord a été évacuée cet après-midi à cause d'une alerte à la bombe. Le bâtiment est à nouveau accessible, mais les conséquences se font sentir sur le trafic ferroviaire. Je vous propose d'écouter Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel. Les conséquences de ces alertes sont très importantes, principalement, il faut bien le dire, de l'alerte qui a été donnée à la gare du Nord, puisque pendant plus d'une heure, le trafic ferroviaire a été totalement à l'arrêt et ça a pour conséquence de se répercuter sur à peu près toutes les lignes de notre réseau, puisque la gare du Nord occupe une position centrale dans le réseau ferroviaire belge. On met tout en œuvre pour que le trafic revienne le plus vite possible à la normale, mais quand on a comme ça des centaines de trains qui ont été concernés, il faut s'attendre ce soir à des suppressions de trains, mais également à des retards importants et vraiment très vraisemblablement jusqu'à la fin de l'heure de pointe du soir. Interview François Heureux. La direction d'ING a entendu ce vendredi en commission de l'économie et des affaires sociales réunie à la Chambre, et ce après l'annonce du plan de restructuration et la perte de plus de 3000 emplois, dont 1700 licenciements secs. La direction devrait répondre présente, contrairement à la direction de Caterpillar, qui avait par deux fois refusé d'être présente. Les syndicats d'ING seront ensuite entendus par les députés et dans la foulée, l'après-midi, ce sera au tour du Premier ministre, du ministre de l'Emploi et du ministre des Finances. Des auditions réclamées par l'ensemble des groupes politiques, majorité et opposition confondus. Yahoo a-t-il espionné des courriels de millions de clients au profit du FBI? La question est posée après les révélations de trois employés de ce groupe Internet. Yahoo aurait fouillé des mails de centaines de millions de comptes mail sur ordre de services secrets américains. Françoise Wollmack. Mais alors que recherchait le FBI, on ne le sait pas exactement. Yahoo devait filtrer certains mots-clés ou groupes de phrases ou encore des pièces jointes. Une pratique qui a causé un malaise chez certains dirigeants de Yahoo. L'un d'entre eux a même démissionné et travaille désormais chez Facebook où il s'occupe aussi de sécurité. Pour les experts de ces questions de surveillance, il est fort possible que le FBI ait fait la même demande aux concurrents de Yahoo, comme Google ou Microsoft, mais ces deux géants ont déclaré n'avoir jamais pratiqué ce type d'espionnage. Le logiciel espion a été placé en mai 2015 et découvert quelques semaines plus tard par l'équipe chargée de la sécurité des serveurs. Ils ont cru que des pirates informatiques étaient entrés dans le système de Yahoo. On ignore si cet espionnage étatique se poursuit encore à l'heure qu'il est. Et puis un mot de tennis avant de vous quitter. David Goffin s'est qualifié ce matin pour les quarts de finale du tournoi de Tokyo au Japon. Le Liégeois a battu au deuxième tour le Tchèque Jiří Veselý, 52e mondial. Victoire en deux manches, 6-3, 7-5. En quart de finale, Goffin affrontera le Portugais João Sousa, 34e joueur mondial. Voilà qui referme ce journal. Merci d'être avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Allez, 16h04, place à l'humour. Bonjour Walid. Bonjour Pierre-Yves, retour dans l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. D'ici là, en ce mercredi, nous sommes presque sérieux. Soyez les bienvenus. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. ce fameux virus. Et moi, j'en ai reçu un. Je vais vous dire de qui. De Georges Laureys. Donc, vous recevez un message via Facebook Messenger, un lien donc envoyé par un de vos amis, et ce lien se compose de votre prénom et du mot vidéo. Alors Walid surtout, Wahhabi. Ne cliquez pas. En tout cas, c'est du narcissisme d'ouvrir sa photo sur Facebook. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian se fait piquer quelque chose. La dernière fois, simplement, c'était les fesses. Alors elle a été braquée dans un hôtel particulier secret, l'hôtel pour Thalès, selon les médias, qui se trouve rue Tronchet dans le 8e arrondissement. Petite phrase rigolote de Mugabe, un jour un journaliste lui a demandé « Quand est-ce que vous comptez dire au revoir à votre peuple ?» Et il a répondu « Pourquoi dire au revoir, ils vont où ?» Wallonie, Nièce Centre, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour un petit renseignement. Oui. Voilà, j'ai été flashé. Oui. J'ai reçu la photo et elle est floue. Oui. On va voir si on peut pas la refaire. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, Mais elle est un peu floue, donc je me dis, je peux la refaire, je retourne au même endroit et je la refais. Ben voilà. Ah, ok, d'accord. Ça va ? C'est gentil, voilà, merci. Au revoir. J'ai décousu une tente, une vieille tente qu'on avait, et j'ai fait tout là, et puis on l'a fabriqué. C'est le dépaisseur de mon. Alors, combien de temps il faut pour en fabriquer une? Et c'est facile à démonter. Et oui, et jusqu'ici, il était bien, François. Enfin, bien. Entendons-nous, plus sympa que Benoît XVI, dont on n'a jamais très bien su s'il faisait un sourire ou un AVC. Il a quand même de l'humour, François, puisqu'au sujet de la théorie du genre, il a déclaré ceci en 2014. On ne peut rien expérimenter avec les enfants. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Ce jour de journée mondiale des enseignants, saluons les trois professeurs britanniques qui ont décroché le Nobel de physique pour leur recherche sur la matière. C'est de bon augure pour nos instituts primaires qui pourraient décrocher l'an prochain le Nobel de métaphysique pour leur travail sur l'antimatière. J'ai nommé le cours de rien. Quand l'actu, elle, n'est rien qu'un grand tableau noir, bien elle s'amuse à la peinturlerie, la picoter, la craboucher, avec quelques blagues potaches écrites à la créativité, leur créativité. Bienvenue à votre classe presque sérieuse pour 1h30 de cours de rire. Ils n'ont qu'une envie qu'on leur annonce, et bien en fin d'année, qu'ils ont doublé. Oui, qu'ils ont doublé l'audience, bien sûr, de cette émission. Vos chroniqueurs du jour, les voici. Les parmi d'ailleurs nos meilleurs élèves. La preuve, depuis qu'elle est en classe presque sérieuse, elle n'a jamais eu de retenue. Cindy Aizarelli, bonjour. Tiens, si on mélange ces deux passions, le néerlandais et la guitare, il pourrait faire un excellent prof de Vlaamsingo. Et là-bas. Vlaamsingo. Hey, hola, que tal? C'est Cédric Gervais qui est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour. Tiens, lui, il enseigne, mais il ne donne pas le cours d'eau parce qu'il n'est pas waterprof. C'est Edgar Schott. Bonjour. Vous êtes tellement beau que vous méritez le prix Nobel de physique. C'est gentil, merci. Tiens, notre prof d'histoire faux, c'est avec nous, c'est Vincent Flibustier. Bonjour, j'adore le mot craboucha. Merci Vincent Flibustier. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus utilisé. Bah oui, mais c'est bien de ressortir ça. Tiens, lui, comme sa viande, il serait au point comme enseignant. C'est Raoul Reyes. Qu'est-ce qu'est la main viande? Il est avec nous, Raoul Reyes, et vous l'avez compris, il est de très, très, très bonne humeur. Évidemment. Tiens, elle est un petit peu comme les instits. Derrière les minutes de prestation effective, il y a des heures de boulot. Enfin, c'est ce qu'elle répond quand elle. On lui dit, t'en fous pas une. C'est Ajar Boulesh, notre assistante, qui a longuement travaillé sur cette émission qu'elle a préparée pour vous. Et puis, lui, c'est notre docteur Sonoris Causa à la réalisation, monsieur Grégory Carrette. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rayons sur la première. Merci donc à vous d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. On s'intéressera à la mort du panda roux, de la mixité des cours de gym et de caméras gâchées. C'est au menu de cette heure et demie presque sérieuse qui vous attend donc sur la première. On vous offrira également des cadeaux, à commencer par la page Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, on a déjà passé le cap des 13 000, donc c'est déjà une bonne nouvelle. 14 000 pour 5h30. Chiche, pourquoi pas. Et vous donnez votre voiture. Une de vos voitures. Oui, Si je dis oui. Vous allez acheter une voiture. Non, j'en ai vu une toute cassée sur le parking du Lidl près de chez moi. Non, le mec il dit oui. Enfin, je ne fais pas de la publicité mensongère. Si je dis oui, je peux offrir n'importe quelle voiture. Donc je peux offrir une voiture miniature de mon enfant. Donc voilà, c'est QFD. Donc oui, allez-y. Oui, mais signé alors. Oui, bien sûr. Offrir le truc de ses enfants, quelle horreur. Ouais, ils en ont trop. Il ferait mieux de passer leur temps sur Internet. Ou devant la télévision. En attendant, je le disais, nous vous offrons des cadeaux également avec l'une d'entre vous qui jouera avec nous d'ici une vingtaine de minutes au Qui a dit, nous vous offrons Time's Up, mais dans sa version family, offert par Repos Productions, notre partenaire. Une belle boîte avec de nouveaux mots à deviner à l'intérieur, dans des boîtes totalement relookées, plus compactes et super solides. N'hésitez pas à participer avec nous au Qui a dit du jour en vous inscrivant tout simplement, en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vos chroniqueurs du jour vous feront des propositions autour de cette phrase. Qui aurait pu dire « Elle essaye de nous manipuler ». À vous de le déterminer. N'hésitez pas à vous inscrire donc. C'est le moment, c'est l'instant. Faites-vous plaisir. Pas mal de choses au programme de cette émission. L'agence de presque, forcément, aussi les histoires de Vincent Flibustier, le presque un jour dans l'histoire et la une du jour que voici. Une du jour en musique. Ouvrez les écoutilles. Vous êtes fait un truc Starmania ou... Ouais. Alors, Daniel Balavoine, vidéo série noire, et Morane, les uns contre les autres. C'est avec Morane que nous entamons cette émission. De quoi s'agit-il ? On est de plus en plus nombreux sur Terre. Alors, c'est en relation avec la planète. Mais pas la planète Terre, c'est le monde entier, et c'est un classement dans lequel figure la Belgique. Pour moi, Morane, c'était pour signaler que les soldats britanniques ne devaient plus respecter les droits de l'homme. Non, c'est pas ça. Alors, de quoi s'agit-il ? La Belgique est bien classée au classement des gens gentils. Enfin, bien classée. Alors, on est dans la gentillesse, c'est un peu de la gentillesse. Le l'accueil. Bonheur. Non, pas le bonheur. L'accueil. L'hospitalité. Avec les autres. Pas l'hospitalité. Non, c'est pas l'hospitalité. Un café, non. Tim Burton a loué l'hospitalité des Belges quand il est venu tourner à Brascar. Non, ce n'est pas ça. L'alcool, c'est nous qu'on voit le plus. C'est le fait de faire des dons. Ah, générosité, comme ça, c'est caritatif. Et câlin. C'est caritatif. Ah, c'est les impôts qu'on paye, c'est non. caritatif. Non. Ça a un rapport avec Cap 48 ou quoi? Alors, mais dans Cap 48, qu'est-ce qu'il y a? Les bénévoles. Alors, on n'est pas les champions du bénévolat, mais on travaille au noir. D'après une étude, que la Belgique, parmi les 140 pays cités, figure donc dans ce classement les pays où les citoyens donnent le plus d'argent à des bonnes cause et font donc le plus de bénévolat. Est-ce qu'on peut arrêter Morane, s'il vous plaît? Oui, c'est infernal. Alors, les chercheurs d'un bureau ont sondé l'engagement civil des citoyens sur l'année 2015. 145 000 personnes à travers donc 140 pays à partir de trois données. Si le sondé a fait un don, du bénévolat ou aider quelqu'un qu'il ne connaît pas dans le mois qui précède, sur l'ensemble des sondés, 27% avaient fait un don, 20% du bénévolat et 44% avaient aidé un inconnu. Alors, les habitants, à votre avis, de quel pays sont les numéros 1? Alors, le Danemark? Non, c'est pas le Danemark. C'est très étonnant. Du Nord? Non, c'est en Asie. Ah, ok. La Corée du Nord? C'est pas la Corée du Nord, non. Là où on est les plus bénévoles, les plus citoyens, les plus généreux, la Birmanie, ah ouais. Les amis. La Birmanie, mais c'est obligatoire qui semble être... là-bas, sinon ils se font fusiller. Voilà. Effectivement, la Birmanie qui semble être la plus généreuse. 91% des citoyens déclarent avoir fait un don dans le mois précédent le sondage. Un don, à mon avis, à un ministre ou un truc comme ça. Mais déclarer, c'est ce qu'on appelle un don. Et 9% sont en prison. Et voilà. Selon Forbes, qui relaye l'étude, ce résultat est en grande partie dû à la générosité liée au bouddhisme. Eh oui, au niveau du bénévolat, c'est le Turkménistan qui arrive en tête, 70%. C'est pour étonnant. Ce qui est du troisième critère, l'aide à une personne inconnue, c'est la Libye qui est première, avec 79%. Il compte les réfugiés dedans, en fait. Dans ce classement général, les cinq pays les plus généreux donc, sont la Birmanie, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, la Belgique. Elle se retrouve à la 29e position avec un score de 43. Je ne savais pas qu'il y avait autant de bouddhistes en Belgique. On est 29e. Bon, il y a encore du travail, les amis. Mais on est des gentils, hein. Partout dans le monde, on passe pour des gentils. Et en parlant de bénévoles, d'ailleurs, faites un bel accueil encore ce week-end et cette semaine aux bénévoles de Cap 48 qui vous proposeront des post-it donc, pour venir en aide à l'association caritative Cap 48, dont ce sera la soirée de clôture ce dimanche à suivre sur la Une Télé. Deuxième info, deuxième extrait musical, écoutez. J'ai entendu le mot Oreo, ça a à voir avec les Oreos, les biscuits ? Absolument pas. Ok. Absolument pas. Ce qui dit Oreo dedans. Série noire. Alors, c'est une série noire. Non. Non, mais Morane et Daniel Balavoine, c'est à peu près les deux chanteurs que je déteste le plus. Il y a Jacques Brel aussi. Balavoine ne vous a pas embêté longtemps. Alors. On parle non pas de série noire, mais de. Série ? Non, si c'est vidéo, série noire, si je dis on parle pas de série noire, vidéo. On parle donc de. Vidéo. Vidéo. Alors, est-ce que vous avez lu une info dans la presse qui traitait. De vidéo. On a retrouvé un magnétoscope. Non. Alors, ça peut vous intéresser, vous, Vincent Flibustier. C'est avec la vos histoires un peu accadabrantes. C'est du voyeurisme. La falsification. Ah, on n'est pas très loin. Falsification. Ah oui, oui, l'histoire qu'on a soi-disant bidouillé des trucs de Al-Qaïda, de Ben Laden. Et effectivement. Des fausses vidéos. Le Pentagone aurait dépensé 540 millions de dollars pour réaliser de fausses vidéos d'Al-Qaïda. L'agence de communication et de relations publiques Bell Pottinger aurait signé un contrat pendant la guerre d'Irak. Son prix, 120 millions de dollars par an. Et c'est un ancien salarié de cette entreprise, un vidéaste, qui a révélé les dessous de cette campagne de propagande. Eh bien, elle a ensuite été publiée par pas mal de journaux. Alors, les reportages étaient volontairement produits en mauvaise qualité pour être rendus plus crédibles. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Pourquoi ? Ben c'était en fait, c'est ça qui est bizarre dans le titre, c'est qu'on avait l'impression de voir le grand complot derrière, mais en fait c'était une manipulation. Ils jetaient des CD avec des vidéos dessus sur les endroits de combat, etc., pour que les gens les récupèrent. Et alors quand ils lisaient la vidéo de la fausse vidéo d'Al-Qaïda, ça les connectait directement à Internet et du coup on pouvait les localiser. Effectivement, c'était gravé sur ces fameux CD, des clips qui devaient servir comme appât. Et grâce à une faille, eh bien, le visionnage permettait de localiser l'ordinateur sur lequel il était visionné. Et donc les CD étaient ensuite abandonnés de différentes manières dans différents lieux du monde, notamment en Irak, en Iran ou même aux États-Unis. Vous croyez que c'est comme ça que Ben Laden s'était procuré une énorme collection de films un peu olé olé ? Oui, il n'y avait pas que ça, il y avait tous les CD de Rico Macias surtout. C'est surtout ça. Bon, dans la suite, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec toute l'actualité de ce 5 octobre. Où que vous soyez, merci d'être presque sérieux, comme va l'être, sans plus attendre, Cindy Aizarelli, qui nous annonce la mort du panda roux. J'aime les animaux. Nous aimons les animaux. Ils aiment les animaux. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Invest Export, créateur de perspectives. Bonjour chérie, t'as bien dormi ? J'ai faim de ces rêves. Raconte-moi. J'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, non, non, on pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve, quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure, dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. Tritop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi choisir Tritop pour investir dans la bourse mondiale ? Tout d'abord, parce que vous le faites avec des experts reconnus et sans intermédiaires. Ensuite, parce que Tritop a développé une plateforme en ligne simple, intuitive et qui vous accompagne. Enfin, parce que si vous investissez 10 000 euros, Tritop vous offre 500 euros de bonus. 500 euros pour commencer à investir, c'est unique. Pour plus d'infos, follow Jack sur tritopam.com. Offre soumise à conditions et réservée aux nouveaux clients. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture ! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son ! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. La première. Mobile Info. 16h18 sur la première, un peu partout en Belgique et dans le monde, bien entendu, hein, sauf décalage horaire. Pierre Collard-Beuvit avec nous. Bonjour, Pierre. Chez moi aussi, la même heure. C'est vrai. Dites-toi un petit peu, que se passe-t-il sur nos routes ? Eh ben, les ralentissements commencent à se faire sentir dans les tunnels de la capitale. C'est bien normal, vu l'heure. Sur le ring de Bruxelles, 15 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 13 pour l'intérieur Zaventem Carrefour et Léonard, et plus 10 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Accident signalé sur le 42 Mons-Namur à hauteur de Boisden. La bande droite est neutralisée. Il y a des files en direction de Namur. Puis un accident qui nous tient depuis 14h tout à l'heure sur la N89, barrière de Champlon-Bouillon. C'est à hauteur de Noirefontaine. La chaussée est fermée dans les deux directions et une déviation locale est mise en place, évidemment. Sur le 40, avec la chapelle Bruxelles, à hauteur de Cherade, vers Bruxelles, vous perdez plus ou moins 12 minutes sur 4 km. Et puis 20 minutes perdues sur le 17, Ganlil, à partir de Albeek en direction de la France. Et notez ce contrôle de vitesse sur le ring 3 de Charleroi, entre Forchy-la-Marche et Montigny-le-Tilleul en direction d'Épinay. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jet Air devient TUI. Discover your smile. problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. On s'intéresse à l'actualité de ce mercredi avec les amis des animaux qui sont en deuil. Et oui, Perry Daiza vient d'annoncer sur sa page Facebook que Tianmei, la femelle panda roux, qui venait de donner naissance d'ailleurs à des jumeaux, est décédée d'une faiblesse cardiaque, n'est-ce pas Cynthia? Oui, Walid, et ce qu'on retiendra surtout, c'est que le panda, même roux et crevé, reste l'ascenseur émotionnel le plus efficace d'Internet. Loin devant le chaton orphelin qui tête une brebis et très très loin devant les photos de petits Syriens morts. En une heure à peine, l'annonce du décès de Tianmei avait chopé 4000 likes, 350 de partage et autant de commentaires du style « Quelle tristesse !»« Rip, petite maman courageuse, on embrasse bien fort les petits !» et « Je la revois encore la semaine dernière qui mangeait dans les mains de son soigneur. Grosse pensée pour lui, je suis très émue, je leur souhaite bon courage. » La Belgique qui se soulève comme un seul homme pour porter le deuil d'une petite chose poilue. On n'avait plus vu ça depuis les funérailles du roi Baudouin. Et encore, là il ne s'agit que d'un panda roux, c'est-à-dire un panda qui n'a pas d'âme et qui était sans doute très mal intégré socialement. Mais pas de panique, l'OCAM a déjà prévu un plan d'urgence pour le jour où Hao Hao passera à l'arme à gauche. Je me rends compte qu'exprimer le fond de sa pensée sur le panda, c'est aussi tabou qu'admettre ouvertement que le nouveau-né de votre meilleur ami est moche. Mais bon, pourtant, il faut bien que quelqu'un ait l'honnêteté de s'y coller, donc allons-y. Car roux ou pas, admettons-le, le panda, c'est quand même surtout la plus grosse arnaque commerciale depuis l'invention du système pyramidal. Je vous rappelle quand même que la Chine détient le monopole du panda et de ses spécimens, et elle les loue au monde entier à des prix exorbitants, sous prétexte d'aider à sa conservation. Mais le panda, s'il est en voie d'extinction, rappelons quand même que pour une fois, c'est pas la faute de l'homme. C'est parce qu'il est complètement con. Un panda, ça passe sa journée à se goinfrer de plantes alors que ça les digère pas vu que c'est carnivore. Et en plus, ça a besoin de regarder du porno zoophile pour avoir envie de s'accoupler une fois tous les 5 ans. En gros, c'est un peu comme si on payait très très cher pour entretenir une bande de hipsters vegan qui vivraient dans un loft à rien foutre. En plus, je me répète, mais le panda, c'est comme le bricolage de fête des mères du petit dernier. Tout le monde se sent un peu obligé de trouver ça joli et formidable. C'est une norme sociale. Mais est-ce que vous avez déjà, sincèrement, honnêtement et objectivement bien regardé un panda? Parce que quand ça daigne se montrer, ça passe quand même la journée en Marcel vautrée sur un caillou à chiquer dans le vide. Moi je dis un modèle de vie exemplaire pour tous les petits wallons. De toute façon, le panda, il est condamné, et tout le monde le sait. La seule chose qui lui sauve ses grosses fesses molles, c'est d'être le logo du WWF. Bah oui, parce qu'imaginez, plus de panda, il faut réimprimer 1 million de kawaii et autant de badges. T'imagines le trou dans la caisse. À côté de ça, il y a quand même plein d'autres animaux bien moches, mais autrement plus utiles, qui sont en voie de disparition. Mais bon, qui se soucie de l'anguille d'Europe? Qui défendra l'escargot de Corse, pardon? Ou la moule d'eau douce? Je savais pas que ça existait. Bah, je dis ça, je dis rien. Raoul. Mais maintenir le panda en vie, artificiellement, c'est faire du conservationnisme et c'est lui refuser le droit à une extinction digne et naturelle. Et je m'arrêterai là, mais je signalerai quand même que ce qui est magique avec le raisonnement que je viens de vous tenir, c'est que ça marche aussi quand on remplace panda par socialisme. C'est vrai, on peut remplacer ça par n'importe quoi aussi, je veux dire, pas que ça. En attendant, on continue à s'intéresser à l'actualité, toute l'actualité, chronique que vous allez retrouver d'ailleurs sur le rtbf.be/ovio. À 16h23, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire et jouer avec nous dans un instant avec une phrase, la phrase du jour, et le qui a dit, qui aurait pu dire « Elle essaye de nous manipuler ». Des cadeaux à vous offrir, le Time's Up dans sa version Family offert par Repo Productions. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Raoul Reyer, c'est-il prêt? Ah oui, absolument. Eh bien, c'est parti. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Dites-nous tout, mon Raoul. Vous voulez qu'on commence par un petit jeu? Oui. Ah oui, allez, un jeu. Un petit jeu, comme on les aime. Hein. Quelle est la route la plus dangereuse de Wallonie? Alors, la E411. Mais non, pas du tout. C'est le boulevard du Sud à Louvain-la-Neuve. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont repeint les lignes avec de la peinture qui fait glisser les voitures. Et donc, ils ont dû fermer parce qu'il y avait des carambolas autour de bras. Et voilà, espérons qu'ils retrouvent de la peinture normale. C'est bien cette idée de faire un Darwin Award. Oui, c'est ça. Hey, c'est pas mal ça. De la peinture qui fait glisser. Oui. Ah, c'est un bon canular ça. Ah oui, à mon avis, en plus ça brille la nuit, donc si vous ne glissez pas, vous êtes ébloui. Ouais, oui. Voilà, comme j'ai les gilets de sauvetage qui ne flottaient pas là, dont on avait une fois parlé. Eh bien, une autre info. Mais il y a plein de bonnes idées en Belgique. Par exemple, une île construite au large de Knokke pour protéger la côte de la montée des eaux. Ah oui, c'est vrai, vu ça. Donc c'est une idée privée, pilotée par Ben White, vous savez, le sémillant Ben White, pour sauver la Flandre. Et l'île ferait 40 hectares. Ah oui. une belle idée pour occuper Peter de Crème, qui, comme vous le savez, n'a plus de travail. Enfin, ah. Si, il a un travail, mais il s'embête. Oui, il s'embête un peu. D'ailleurs, c'est une information qu'on va retitrer tout à l'heure, après 17h. Ouais. On parle de Peter de Crème. L'info est déjà sur la page Facebook, on en parlera. Le titre qui, selon vous, aujourd'hui mérite d'être retitré, bien, c'est celui-ci. « Aucune règle n'oblige le secrétaire d'État Peter de Crème à travailler ». Eh ouais, il suit une formation de 6 semaines aux États-Unis pour le moment, et les membres du gouvernement peuvent organiser leur travail tout à fait librement, et lui, il n'a pas de job pour le moment. Donc voilà, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information ? Voilà, gardien d'île, c'est un beau métier, non ? Ouais, c'est magnifique. J'imagine qu'il n'aime pas beaucoup l'eau, enfin je sais qu'il n'aime pas beaucoup l'eau. Mais il serait là pour prévenir si la mer monte. Oui. Et en plus, quelle belle idée ! Et le jour de l'inauguration de l'île, alors que tous les élus NVA viendront admirer l'initiative de leurs camarades en beuglant le vlamseleux à l'abri des regards, hop, il suffira de remonter la clôture. Tirer le bouchon, on tire le bouchon et ça fait. Ah oui, c'est ça. Allez, notre info, Raoul. Encore une petite, les douaniers serbes sont de fins limiers. C'est-à-dire ? Ben, ils ont intercepté 500 kilos de gâteaux sucrés. Hey. Et pourquoi ? Parce qu'il ne fallait même pas un chien ni fleur, même l'autocar qui les transportait avait le diabète. Et pourquoi ? Parce que ces gâteaux venaient de Bulgarie pour aller en Espagne. Oui. Le problème, c'est que ça passait par la Serbie, qui, elle, n'est pas un pays d'Europe, donc il y a encore des frontières. Oui. Évidemment, ces cons se sont fait prendre. Ah oui, à la frontière, tout simplement. Ah oui, bah, petit contrôle. Ouais, ouais. Contrebande de quoi ? De gâteaux sucrés. Ah, juste ça ? Ah oui. Ça existe. Et ça va chercher dans les combien ? Je ne sais pas. Dans les 100 calories. 20 ans de prison. En plus, ils avaient noyé le poisson en mettant Dubichu au Kaimak sur les... Il y avait un poisson dedans, en plus. Ah, et c'est énorme. C'est vrai ? Allez, une dernière petite info, Raoul. Oh ben, il y a un food truck de gourmandise pour chiens et chats qui vient d'ouvrir à Metz. Oui. Ce qui est pas mal, ce sont enfin des produits naturels. Donc vous imaginez, le midi, vous emmerdez chez vous, prenez votre chien en laisse et vous allez au food truck. Moi, je crois que ça existe déjà ici en Belgique, les food trucks. J'ai vu un truc où ils faisaient des cupcakes pour chiens. Oui, vous imaginez, mais vous devez y aller avec votre chien et à ce moment-là, c'est votre chien qui choisit. Là, vous êtes un peu embêté. Le pire, c'est votre chat. Dans un sens, c'est génial. Ça vous oblige à un peu promener le chien. Oui, mais bon, à côté de ça, voilà. Il y aura bientôt des Pokémon Go pour chien aussi. C'est pas. Moi, je crois que je vais envoyer mon chien. Je vais dire, va chercher. Et prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Prends 5 euros. C'est pas moi qui paye, de toute façon. Voilà. Merci en tout cas, Raoul, pour ces informations. Prie. N'hésitez pas, on en parlait, à retitrer l'information, une des informations du jour. Le secrétaire d'État, Peter de Crème, qui s'embête un petit peu hein, sur la page Facebook. Faites-le. Venez à nous et venez dans un instant, puisque nous jouerons qui a dit, qui aurait pu dire, elle essaye de nous manipuler. SMS au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On continue à s'intéresser à l'actualité. Vous vous envoyez simplement donc ces trois lettres pour repartir avec Time's Up dans sa version family. Le qui a dit, c'est à suivre. Mais juste avant, bien les informations de 16h30 signé Pierre-Yves Meugens. Merci à vous qui nous écoutez un peu partout d'être presque sérieux sur la première. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 € le mètre carré. Alors profitez-en. Gagner en savoir-faire. 2,39 € le mètre carré, soit 3,73 € la plaque largeur 60 cm, 7,46 € largeur 120 cm. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! Wouh ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina ? Le bruit des feuilles qui tombent ? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be, c'est bien pensé. La première présente... Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre ? Ben oui, Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Vous aussi devenez acteur de la good food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. La Première présente les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile et la Loterie Nationale. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour revisiter notre terroir. La cuisine belge comme on l'aime, avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. La première. 16h30. On s'informe avec Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour. S'agissait-il d'un acte terroriste? Deux policiers ont été blessés ce matin à Schaarbeek. Ils ont reçu plusieurs coups de couteau. Le parquet fédéral reprend l'affaire. Certains éléments laissent penser qu'il pourrait peut-être s'agir d'une attaque terroriste, sans donner davantage de détails. Les deux agents portaient en tout cas l'uniforme. L'assaillant a été maîtrisé par une autre patrouille qui lui a tiré dans la jambe. Son identité n'a pas encore été dévoilée. Les deux victimes, un homme et une femme, sont blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Un témoin raconte que l'agresseur a frappé d'abord l'un des deux policiers. Il était à terre, ensuite il s'en est pris à la policière. L'alerte a été levée dans les gares du Nord et de Bruxelles Midi. À Bruxelles, forcément, le trafic des trains a été stoppé durant plus d'une heure. Des centaines de trains vont avoir de gros retards jusqu'à la fin de la journée, prévient Infrabel. L'accord climatique de Paris entrera en vigueur le dimanche 6 novembre. Le seuil requis a été acquis après les ratifications de l'Europe hier. Mais où en est-on en Belgique? Sophie Brems, dans Soir Première, reçoit Véronique Rigaud, la coordinatrice de la plateforme Justice Climatique au CNCD 11-11-11. Elle en débattra avec Christine Marguet, ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement Durable. Rendez-vous dans CQFD à 17h45. Merci Pierre-Yves, retour dans l'information avec Diane Burgel-Vernet tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Nous sommes presque sérieux et elle est tout autant, elle nous écoute de Lannes, dans le Brabant Wallon, elle est médecin, elle s'appelle Demet. Bonjour Demet. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, avec le soleil. Ah, vous profitez de cette belle commune hein, qui est Lannes, bien sûr, avec un patrimoine immobilier classé, bien entendu, une colonne Victor Hugo, et puis ces monuments commémoratifs de la bataille de Waterloo, tout le monde s'en souvient. Ouais. Voilà, ouais. Voilà, j'adore. Et puis la maison de Loretto Kenningsos. Voilà. Et de Daniel Auteuil. Voilà, c'est. Je la connais pas. Ça, c'est la petite parenthèse. Demet, vous êtes médecin et vous vous intéressez à l'actualité. Vous avez lu la presse du jour ou pas du tout? Non, je l'ai écouté, mais vous l'avez écouté. Je ne l'ai pas lu. Alors, vous êtes peut-être passé à côté ou vous l'avez peut-être entendu, cette fameuse phrase. Elle a été prononcée par quelqu'un. Oui, mais de qui s'agit-il? La voici, cette phrase. Elle essaye de nous manipuler. C'est dans la presse du jour. Des propositions que voici pour vous permettre de repartir avec le Time's Up dans sa version family. On vous écoute, on va demander à Cindy Aizarali. Eh bien, c'est Michel Delamotte, hein, CDH, en parlant de Marie-Christine Marguen. Michel Delamotte. Hey, c'est un nom inventé. Nom, hein. C'est bien, c'est Michel Delamotte. Vous okay. avez déjà fait de meilleures blagues. Okay. On va demander à Edgar Schott, qui aurait pu dire, elle essaye de nous manipuler. Non, c'est évidemment Maggie De Blocq à propos de la présidente de la Fédération Belge des Ostéopathes. Maggie De Blocq pour Edgar Schott. Je rappelle que... Oui, c'est pas mal. Manipuler ostéopathe. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que... Allez, voyons. Demet est médecin. Donc, c'est peut-être ça. Raoul Reyers, qui aurait pu dire elle essaye de nous manipuler? Eh bien, c'est l'un des trois prix Nobel de chimie hein, qui dit que les petites machines moléculaires essayent de nous manipuler et vont bientôt y arriver. Vous savez que ces mini-robots vont peupler notre corps pour nous sauver du cancer bientôt, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc à prix Nobel. Prix Nobel de chimie. Ils sont trois, mais avec des noms... De chimistes. Je n'ai pas retenu lequel. De chimistes. D'accord. On va demander à Cédric Gervais qui aurait pu dire elle essaye de nous manipuler. Ben c'est effectivement en parlant de Marie-Christine Marguem que Bart De Wever a lâché cette petite phrase et en rajoutant avec la méchanceté qu'il caractérise et paradoxalement, elle n'y va pas de main mort. Ah ouais, ça il fallait que vous le rajoutiez. Bien sûr. Je rappelle qu'elle sera là tout à l'heure à 17h45. En face. On va enfin demander à Vincent Flibustier. Par lui serrer la main pour vous excuser. Elle essaye de nous manipuler. Bah, c'est tout simplement Benoît Ludgen à propos de Joël Milquet, de son retour. Benoît Ludgen. Demet. Voilà. C'est à vous de jouer. Oui, la première proposition, ça me l'a rappelé. Michel Delamotte. Il y a Maggie De Blocq. Il y a un des prix Nobel de chimie, Bart De Wever ou Benoît Ludgen. Qui aurait pu dire elle essaye de nous manipuler? Écoutez, je vais choisir Maggie De Blocq. Parce que vous êtes médecin. Parce qu'elle aurait fait un jeu de mots avec les médecines d'ostéopathie. D'accord, d'accord. Alors, comment est-ce que je vais vous aider? Je vais essayer de manipuler ce jeu pour vous dire que... imaginez, vous n'avez pas votre numéro inami. Oui, et Michel Delamotte, c'est un beau nom pour un gynécologue aussi. Par exemple, vous avez envie de dire Michel Delamotte? Voilà. Ben c'est pas mal. C'est pas ça, dans quelles circonstances on peut avoir envie de dire ça, mais bon. Michel Delamotte, qui aurait pu dire, elle essaye de c'est nous manipuler à propos de Marie-Christine Marguem. On garde Michel Delamotte? On va garder cela, oui. On garde Michel Delamotte et c'est une bonne réponse d'Emmett. Puisque la prolongation de Tihange 1, Doule 1, Doule 2 était au centre des débats de la Commission économie de la Chambre aujourd'hui, hier, pardon, et pour rappel, la Commission européenne s'interroge sur le risque d'aide d'État que comporte cette prolongation jusqu'en 2025 des trois réacteurs quadragénaires. Alors, dans un premier temps, la ministre de l'Énergie, Marie-Christine Marguem, avait indiqué que c'était la question de l'indemnité due par l'État belge aux opérateurs nucléaires en cas d'arrêt anticipé de l'un des trois réacteurs qui posait problème. Et ça n'a pas fait plaisir à M. Delamotte. Ah non, il est sorti de sa réserve pour dire qu'on est en train de se faire manipuler par Marie-Christine Marguem. Une lettre de la Commission a pour objet donc la prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires. C'est ce que commente Michel Delamotte, député CDH. La ministre essaye de nous manipuler. Il n'est indiqué nulle part que la formule Tihange 1 pose problème. Je demande d'ailleurs qu'elle fournisse tout les échanges avec la Commission européenne, pas seulement son interprétation. Voilà qui va relancer le débat sur le nucléaire grâce à M. Delamotte. On vous salue et on vous remercie. Et surtout, on vous offre un beau cadeau, ma chère Demet. On vous envoie le Time's Up dans sa version family, dans un tout nouvel écran, une boîte et de nouveaux mots à deviner, une boîte totalement relookée, plus compacte, plus solide. Vous allez voir, vous allez vous amuser en famille tout en nous écoutant. Pourquoi pas, presque sérieusement. En tout cas, restez-nous fidèles. Restez fidèles à la première et surtout presque sérieuse. Voilà, merci beaucoup, bon après-midi. Petite question, petite dernière question, oui. Demet, vous êtes médecin généraliste ou... Je suis ophtalmologue. Ah, ophtalmologue. Voilà. D'accord, mais je viens de revenir. J'écoute quand même bien la radio. Ah je oui, okay. Bien d'accord. Lire aussi. D'accord, ok, pas de soucis. Mais en tout cas, merci à vous, Demet, de jouer le jeu, restez presque sérieuse et on continue, nous, à s'intéresser à l'actualité du jour avec cette information. Je vous rappelle que nous retitrerons ensemble et on vous encourage à le faire sur la page Facebook. Une info concernant Peter de Crème qui s'ennuie. Pauvre Peter. Oh, il pas de travail. What is Peter? Eh ben, il est aux États-Unis pour le moment en train de suivre une formation. On vous en parlera tout à l'heure, mais en attendant et avant d'écouter Vincent Flibussier, les histoires de Laurent de Hausset, intéressons-nous à l'actualité vue et corrigée par Edgar Schotz. Edgar, qui nous parle de la mixité des cours de gym. C'est la pérobing. Elle la gym, moi le tonic. C'est la pérobing. Elle la gym, moi le tonic. Alors, mixte ou pas mixte, c'est le débat de la semaine et ça concerne les cours de gym à l'école. Edgar, vous qui êtes un grand habitué des bars parallèles, bien sûr, mais c'est le nom du bar parallèle, bien sûr. Oui. Vous en pensez quoi, Edgar ? Oh, vous savez, j'ai rien contre les bars fixes non plus. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, ce truc de mixité à la gym. Parce que bon, il n'y a pas de raison que la mixité dans l'éducation physique soit réservée exclusivement aux établissements les plus huppés de la capitale. Pourquoi est-ce que la connaissance approfondie des corps des garçons pour les filles, des corps des filles pour les garçons, des corps des garçons pour les curés? Enfin, pourquoi est-ce qu'il faudrait que cette connaissance approfondie soit uniquement cantonnée aux élèves du Collège Saint-Michel? Je vous le demande. Ceci dit, j'imagine que le pape François considérera cette mixité comme une avancée supplémentaire et inacceptable des ravages de la théorie du genre. Et c'est vrai que si on continue sur cette voie, on va finir par leur accorder le droit de vote aux femmes, ouais, voilà. Voire les faire participer aux émissions d'humour de la première. Mais nonobstant, moi, il y a au moins une raison pour laquelle je suis favorable à cette mixité dans les cours de gym. Hein, pas dans les émissions d'humour de la première, parce que sinon ça déconcentrera Raoul. C'est que si les cours de gym avaient été mixtes à mon époque, ça m'aurait sans doute évité d'avoir à être systématiquement choisi en dernier quand on composait les équipes de foot. J'ai d'ailleurs une théorie à ce sujet. Je crois que la vie rassemble un jour tous les gens qui étaient choisis en dernier lors de la composition des équipes vrai, de foot. C'est vrai, on aurait dû se connaître avant. Regardez. En tout cas, c'est soit ça, soit la moitié de mes amis actuels qui sont des espèces de mythomanes inversés, s'inventant un passé fictif de footballeur excellent. Et oui, Un jour, la vie rassemble tous ses petits élèves qui étaient les plus mauvais footballeurs de leur classe. Un jour, la vie les rassemble, ils se donnent tous la main. Et même en se donnant la main, à 40 dans le but, ils sont encore incapables d'arrêter un pénalty tiré par Oscar Pistorius. Les héros du gazon, ça s'appelle. Vous l'aurez compris, la seule différence qu'il y avait pour moi entre les cours de gym et les séances de torture, c'était que les séances de torture ne se maintiennent pas nécessairement à un rythme tragiquement hebdomadaire sur une période de 12 ans. Alors maintenant qu'il y a prescription, je peux vous l'avouer, on avait un petit concours entre nous avec quelques-uns de mes camarades de classe, concours qui consistait à avoir le moins de points possible en gym sans insulter le prof. Étant entendu que, espèce de petit fasciste à moustache, je n'aurais pas voulu te connaître sous un autre régime, ne constituait pas une insulte, mais une description objective de notre enseignant et des craintes qu'il suscitait chez nous. Inutile de préciser que ce concours, je l'ai gagné haut la main plusieurs années d'affilée, ce qui n'est pas un mince exploit si on veut bien se souvenir que j'ai fait toutes mes années du secondaire dans la même école que Gilles Dalle. Ah ouais. Ceci dit, je l'ai tellement bien gagné ce concours qu'une année, je vous jure que c'est vrai, pour m'apprendre à faire le malin, le prof de gym m'a collé un examen de passage. C'est d'ailleurs, donc j'étais premier de classe avec un examen de passage en gym. C'est en passant cet examen de passage de gym en 5e secondaire, la tête à l'envers, dans une tentative improbable et d'ailleurs peu probante de trépied, que j'ai entendu pour la première fois de ma vie le mot intellectuel être proféré comme une insulte. C'est vrai, vous avez vraiment eu un examen de passage en gym. Chaque mise de gare est vrai parce que moi aussi j'ai eu un examen de passage. Et moi j'avais un autre truc, nous on faisait du volley, mais c'était en province. Et il y a une année où je ne suis pas allé du tout, même pas au premier cours. C'est vrai. Le prof ne même savait pas que j'existais. Même pas pour faire filet. Je ne suis pas allé du tout et personne n'a jamais rien vu. C'était en tout cas le prof, pas du tout. Il ne savait pas que vous étiez là. J'ai recommencé l'année, mais il n'y a pas qu'au volley qui volait pas. Je rappelle d'ailleurs à tous les enfants qui nous écoutent avec leurs parents que dans la gym est très important. C'est très important pour le développement, un corps sain dans un esprit sain, bien entendu. C'est j'étais, à ça que ça sert. J'étais tellement nulle qu'un de mes derniers examens de gymnastique, chez nous c'était mixte, à un moment je me suis avancée, je pense qu'il y avait trois exercices à faire, j'ai choisi le plus simple, celui qui rapportait le moins de points. Le cumulé. Oui, j'ai fait le cumulé avant, toute la classe s'est levée, m'a applaudi. Alors on a tous des souvenirs, moi si je devais vous raconter le seul souvenir que j'ai d'un prof de gym, en fait, dès qu'on l'embêtait, vous savez ce qu'il faisait, vous voyez les favoris, donc juste à côté des oreilles, eh bien il nous attrapait, il tirait sur les favoris. Ah mais c'est de la torture. Oui, ben, c'est classique. Simple, c'était en même temps la gym et de la torture. Donc du coup on faisait pas le malin avec lui, parce qu'on savait qu'on risquait de se faire non pas tirer les oreilles, parce que ça laisse des traces, mais par contre, tirer sur les favoris, ça, ça n'en laisse pas. À 16h42, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec l'histoire qui s'invitera dans un instant chez vous. Que s'est-il passé un 5 octobre ? Réponse dans un instant, ou tenterez de la découvrir, cette réponse, à travers la question que nous posera Laurent Dehaussé. On s'intéressera aux histoires de Vincent Flibustier. On ira traficoter un petit peu l'information avec l'agence de presse après 17h et on revisitera l'actualité avec vous, bien entendu. N'hésitez pas à rester presque sérieux sur la première où que vous soyez. Merci d'être des nôtres. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente au 140, Daran en concert dans le cadre du Festival Francophone. Y a vu sur l'autoroute, y a vu sur terrain vague, y a vu sur nœud ferroviaire. Daran au 140, béton, le 8 octobre, avec le soir. Y a vu d'en bas. Chez Cora, 20 euros d'achat égale un timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non ? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Et si ce week-end, on prenait un bon petit déjeuner ? Oh, bonne idée ! Oxfam Magasin du Monde organise plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables. Ah bon, quand ça ? Ce week-end, le 8 et 9 octobre. C'est l'occasion de déguster d'excellents produits d'ici et d'ailleurs. Et comment faire pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez moi ? Tu vas sur petitdejeuneroxfam.be. Super ! À ce week-end ! Avec Oxfam, les alternatives existent. Cultivons-les. Le Brabant Wallon présente le livre tout proche, à la rencontre des auteurs du Brabant Wallon. Au programme, rencontres, dédicaces et animations pour petits et grands, ce dimanche 16 octobre, de 12h à 18h, au Château de la Hulpe. Entrée gratuite au salon et à la Fondation Follon. Info, brabantwallon.be. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein ? Conditions sur pearl.be. La première. Mobile Info. À 16h44, vous êtes certainement par choc contre par choc et il vous dit comment justement éviter les embouteillages. C'est Pierre Collard-Bovy. Il y a des ralentissements, mais ça va. Enfin, 23 minutes quand même supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, on parle du ring. Plus 14 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Plus 11 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Ça roule relativement bien. Terminé pour l'accident sur le 42 Mons-Namur à hauteur de Boisden en direction de Namur. Un incendie s'est déclaré sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Linsan. C'est en direction de Bruxelles. C'est l'incendie d'une cabine électrique et de la végétation à proximité. Il y a donc un dégagement de fumée pouvant gêner la circulation. Donc levez le pied en abordant cette E40 Liège-Bruxelles à hauteur du kilomètre 52.5. Accident sur la N89, barrière de Champlon-Bouillon autour de Noirefontaine. La chaussée toujours fermée à la circulation. Suivez les déviations locales, bien évidemment. 15 minutes perdues maintenant sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Cherat. 15 minutes en direction de Bruxelles. Léger ralentissement en direction de l'Allemagne. 20 minutes perdues sur le 17 Gand-Lille à partir d'Albeek en direction de la frontière française et un contrôle de vitesse sur le ring 3 de Charleroi entre Forchy-la-Marche et Montigny-le-Tilleul en direction d'Épinay. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème ici. Et demain, Laurent Dosset s'intéressera à Madame de Polignac, amie intime de la reine Marie-Antoinette, l'une des femmes les plus détestées de la Révolution française. Ce sera donc au programme d'un jour dans l'histoire, entre 13h30 et 14h30 sur la première. En attendant, que s'est-il passé un 5 octobre? Question. Je suis le premier d'une longue lignée et même après plusieurs décennies, je n'ai pas pris une ride. Que suis-je? Alors, on parle d'une invention? Non. On parle d'une personne? Non. Mais on parle, allez, c'est indirectement des personnes, mais c'est quelque chose en particulier que c'est une institution en fait. Comme un président, un truc comme ça. C'est devenu un classique. Genre on pourrait dire que c'est devenu une institution. Est-ce que c'est genre un personnage? Non. Un morceau de musique? C'est un morceau de musique, oui. La symphonie, la première symphonie? Des hymnes nationaux? Non, non, non, non. Répétez un peu, je n'ai pas jingle. Pris. Alors, je suis le premier d'une longue lignée. Et même après plusieurs décennies, je n'ai pas pris une ride. Il y a un jeu de mots avec ride, il y a une histoire de ride. Non. C'est Ajar qui a écrit la question. C'est de la publicité radio. donc il n'y a pas de jeu de mots. C'est une chanson? C'est une chanson, oui. C'est pas l'Eurovision ou des trucs comme ça? Non, on m'en parle beaucoup aujourd'hui puisque c'est le premier single de ce groupe qui est sorti. Mais lequel? Ah ouais. Les Beatles. Les Beatles. Mais lequel? Le premier single des Beatles. Love Me Do, effectivement. Love Me Do. Le 5 octobre 1962, sorti du premier tube des Beatles, le premier single, Love Me Do, qui sort en Grande-Bretagne, enregistré à Londres sous la direction d'un chef d'orchestre, George Martin, et monte à la 17e place du hit parade. Et en 1963, il atteindra même la première place. Et c'est à ce moment-là que la carrière des Beatles sera lancée. En enregistrant plus d'un album par an en moins de 10 ans de collaboration, bien les Beatles forment le groupe le plus populaire de l'histoire de la musique. Auteur de succès inoubliables, John Lennon, Paul McCartney. Le plus populaire parce Machiavel. George Harrison. Et Ringo Starr continuent 30 ans après leur séparation bien de susciter la passion, une légende que rien n'arrête et que rien n'arrêtera. Vous connaissez tous Yesterday de Paul McCartney, les chansons des Beatles qui, de leur vivant, n'appartenaient pas aux Beatles. Vous savez qui Michael Jackson. Ouais, c'est vrai, Michael Jackson. Mais ça fait très vieux con, classique 21 de dire ça, mais plus on écoute les Beatles, mieux c'est en fait. Et avec l'âge, en plus, avec toutes les références qu'on a d'autres musiques, c'est vraiment indépassable. C'est Alzheimer. Oui, rappelez-moi de vous envoyer faire une chronique sur Classique 21. Yesterday, à la base, c'était Scrambled Eggs, les paroles, quand ils les ont écrites. Eux brouillaient. Bah. Et puis, ils ont fait ça pour rire. Et puis, le producteur a dit il faudrait peut-être trouver des paroles un peu plus cool. Quoi. Et la marque, d'ailleurs, d'informatique, Apple, a eu un problème avec les Beatles. Ils ont la même marque. C'était Apple Corp pour les Beatles, c'est Apple tout court. Et ils sont enfin réconciliés en 2007. Non, ils ont fait un procès, ils ont fait Apple. Ouais. Rappelez-moi de vous envoyer sur une autre radio pour faire des jeux de mots. En attendant, on va écouter un classique, non pas des Beatles, mais de Solomon Burke, morceau de il y a longtemps, en 1963, si je ne dis pas de bêtises. Everybody needs somebody to love, tout de suite. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful. that needs your love all the time. Someone is with them when they're up. Somebody is with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. Now there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd say the whole world. Listen to me. Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Bonjour, Monsieur Vincent. Les histoires de Vincent Flibustier avant de retrouver les informations de 17h signées Diane Burgel-Vernet. Petite parenthèse, je me posais une question. Vous avez tous vu cette vidéo du gars en France qui rentre dans un Apple Store avec une boule de pétanque qui liquide comme tout. Je m'étais posé la question, je me disais si je me filmais à l'Apple Store, mais juste avec une boule de pétanque où je faisais rien. Je passais juste comme ça. Est-ce que je risque quelque chose? À mon avis, avec votre tête d'arabe, oui. Parce qu'on, oui, on risque quelque chose si on se promenait juste. Vous imaginez, vous regardez un téléphone et puis vous sortez la boule de pétanque. Vous sifflez. Walid, on peut y aller si vous voulez. Je vous filme de l'extérieur de la Apple Store. On peut faire le buzz avec ça. Voilà, je m'étais dit, tiens, mais non. Mais je pense qu'il y a deux solutions. Dites-moi. Soit tous les vendeurs se tirent au fond du magasin, oui. Soit ils vous sautent tous dessus. Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils vont sauter parce qu'une boule de pétanque, ils ont intérêt, comme dans la vidéo, à rien faire parce que ça peut faire très mal. Ils sont quand même assurés, donc ils s'en foutent. Quoi. Ouais, moi, je veux bien faire le cochonnet. J'ai pas vu la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a explosé. Non, mais il est rentré fou furieux parce qu'Apple n'avait pas respecté certains contrats européen, il n'avait pas été remboursé, puis donc voilà, il a pris sa boule de pétanque, il a éclaté, chaque appareil dans l'Apple Store, donc voilà. Je m'étais dit, je serais rentré comme ça en disant hey « Hé Patrick !» comme dans camping. Voilà. Déguisé comme dans camping aussi. En slip. Ah oui. Mais après, je me suis dit non, laisse tomber, c'est une mauvaise idée. On a le temps, hein, ça ferme à 19h. Oui, mais Vincent Flibustier a des histoires à nous raconter. Non, c'est bon, on y va, Walid. Allez-y, dites-moi, racontez. Ben oui, on parlait hier du Zimbabwe, du président Mugabe, mais qui était le premier président du Zimbabwe? Mugabe. Eh bien non, c'était le président Banana. Il a été à la tête du pays de 1980 à 1987 et il n'aimait pas trop qu'on se moque de lui, puisqu'en 82, il a fait passer une loi qui condamnait à la prison toute personne qui ferait une blague sur son nom. Et l'ironie du sort, c'est que le président Banana est mort en percutant un bananier en voiture. Et il faut vraiment le faire parce que le bananier, c'est pas un chêne, c'est vraiment un arbre un peu tout petit, tout mou, c'est un peu nul. Bref, repose en paix, petit Banana. Et la presse de l'époque avait titré Banana Split. Ouais, je crois que si quelqu'un l'avait fait, il aurait été condamné à mort. Lapidé. C'est vrai qu'on peut peut-être retrouver des... Ouais, y a peut-être moyen. Bon, deuxième info. Bah oui, il fait pas bon d'être chef d'État quand votre pays est envahi, on l'a vu encore assez récemment. En général, vous avez deux choix, vous barrer ou vous mettre à genoux devant l'ennemi. Et en 1940, alors que la Deuxième Guerre mondiale est à ses débuts, l'URSS envahit l'Estonie et le président estonien de l'époque, Konstantin Päts, demande un visa aux États-Unis, mais le visa arrive trop tard et il est capturé par les soviétiques. Il refusera de se soumettre et sera donc envoyé en Russie, loin. On n'entendra plus jamais parler de lui. Jusqu'en 1990, à la chute de l'Union soviétique, son corps est rapatrié en Estonie avec un rapport rapport d'un hôpital psychiatrique. Et on apprend dans ce document que lorsqu'il a été arrêté par les Russes, donc il a été envoyé dans un asile, et dans le rapport des psys, on pouvait lire ceci. Individu atteint d'une démence sévère et incurable, malgré tous les traitements, même aux électrochocs, il continue à se prendre pour le président de l'Estonie. Comme dans les cigares du pharaon. Konstantin Pat, ou cette histoire de monsieur Banana. mon corps balance, je ne sais pas. Roulement de tambour, aimé avant le roulement de tambour, petit tour de table, première ou seconde histoire, Edgar Schatz. Je suis presque sûr que Mugabe a été le premier président du Zimbabwe après la libération, enfin après la décolonisation. Donc je dis Monsieur Patz. Monsieur Patz, pour Cindy Ezarelli, Zimbabwe ou Estonie? Président Banana. Banana. Cédric Gervi. Bah moi avec toujours la banane, je vais dire banane aussi. Banana, merci. Et Lio, vous êtes fan? Lio est fan de tout. Lio, ouais, à fond. Ouais, Lio, terrible. Lio. Moi je ne connais qu'un banana, c'est Ray Banana. C'est Benoît, vous voyez? Non, Ray-Ban, les lunettes. Ray-Ban. Non, Ray Banana. Ah, il fait quoi? C'est un personnage de bande dessinée. Ah bon, dans quelle bande dessinée? Ray Banana. Et donc je choisis l'Estonie. Merci Raoul Ray, tout ça pour ça. Allez, roulement de tambour pour l'histoire vraie du jour. Première ou seconde histoire. Mais Edgar, le premier président du Zimbabwe s'appelait bien Canaan Banana. Ah oui. Mais en 82, il a bien fait passer une loi pour interdire les blagues sur son nom. Mais il n'est pas mort en chopant un bananier. Par contre, Konstantin Pats, le président de l'Estonie en 1940, a bien passé 16 ans dans un hôpital psychiatrique où il était soigné pour qu'il arrête de se prendre pour le président de l'Estonie. Tout ça parce que son visa d'asile politique américain est arrivé un peu trop tard. Et il n'a vraiment pas eu de bol toute sa vie, parce qu'en 1905, il a participé à la première révolution russe avortée. Il est condamné à mort par contumace, il fuit en Suisse. Oh là là. Il rentre en Russie en 1917, une fois la vraie révolution arrivée. Il est enrôlé de force dans l'armée pour combattre les Allemands en 1918. Et trois mois plus tard, il est capturé par les Allemands. Il passe le reste de la guerre quelques mois dans un camp. Bon, après, c'était pas un mec très sympa, parce qu'il a instauré un truc qu'on appelle aujourd'hui l'ère du silence pendant le moment où il était président, donc ça devait pas être très très rigolo. Ah ouais, et ça veut dire quoi par contumace? Parce que j'ai toujours lu ça, mais j'ai jamais su dire qu'il était là. Donc il a fui en exil, il était condamné à mort et il a fui parce qu'il était, il avait déjà fui. Quoi. Merci. Voilà, vous allez être condamné par contumace. Hein. à 17h, on s'informe. Ça veut dire que vous le virez, vous le rappelez jamais. De quoi? Avec sa guitare. à 17h, on s'informe avec Dan Burgel-Vernet, puis on retitrera avec vous autour de la table et avec nos auditeurs sur la page Facebook. Bien, cette information, on apprend que Peter de Crème, le secrétaire d'État, a du mal à trouver du travail. Il s'embête un petit peu. Une presque star sera également avec nous. Et puis l'agence de presse au programme. Restez presque sérieux sur la première. Demandez un devis pour vos portes et fenêtres auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Inscrivez-vous sur sapachassis.be. L'aluminium, c'est notre métier. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750€, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à conditions, plus d'infos sur skoda.be. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Dragon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de carrelage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Dragon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. La première, météo. Bonne fin de journée à tous. La nuit prochaine s'annonce particulièrement froide. Le ciel dégagé va favoriser la chute du mercure, 2 à 4 degrés pour les minima. Et localement, en Ardennes, dans certaines vallées, à l'abri du vent, on pourrait même avoir des petites gelées au sol. Demain, le soleil sera encore bien présent en matinée, mais au fil des heures, les nuages vont arriver par l'Allemagne. Des nuages qui vont s'intensifier, mais on gardera un temps sec. On ne dépassera toujours pas 10 à 14 degrés avec un vent modéré de nord-est. C'est un temps nuageux qui s'annonce pour vendredi. Samedi, quelques averses sont possibles dans toutes les régions. Dimanche, elles vont se concentrer sur les reliefs. On notera en moyenne des maxima de 11 à 15 degrés. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Un homme de 43 ans, l'auteur de l'attaque au couteau ce matin contre deux policiers à Schaerbeek en région bruxelloise, serait un ancien militaire belge. Il s'agirait, communique le parquet fédéral, d'un possible attentat terroriste. Nous n'avons pas pu prévoir le 13 novembre ou le 22 mars. Le patron des renseignements militaires ne peut toujours pas expliquer clairement pourquoi il ne disposait pas d'informations qui auraient pu permettre d'éviter les attentats de Paris ou de Bruxelles. Il était auditionné en commission. Vous l'entendrez dans un instant. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation. On retrouve Pierre Collard-Bovy. Oui, avec un ralentissement assez habituel un peu partout, mais tout à fait modéré. Un accident toutefois sur la nationale 89, barrière de Champlon-Bouillon en hauteur de Noirefontaine, provoque la fermeture de la chaussée dans les deux directions. Deux policiers ont donc été agressés ce midi au couteau à Bruxelles, à Schaerbeek plus précisément. L'un a été touché au couteau, l'autre au ventre, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'auteur des coups a été interpellé. Le parquet n'exclut pas qu'il s'agisse d'une agression terroriste. Retour sur les faits avec Myriam Ball. Des cris de femmes vers midi en contrebas du boulevard Lambermont à Schaerbeek. Un voisin regarde par la fenêtre et voit un homme frapper un policier et continuer à lui infliger des coups, même à terre. Une femme intervient, agent également, et reçoit des coups à son tour. Ces deux policiers sont blessés, au couteau, l'un au cou, l'autre au ventre, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'homme qui a frappé a utilisé la lame d'un kit de couvert. Une patrouille est arrivée sur place et a pu l'interpeller après lui avoir tiré dans les jambes. Sa vie n'est pas en danger non plus. Rapidement, le parquet fédéral a repris l'affaire et précisé que, je cite, « les résultats provisoires de l'enquête montrent qu'il s'agirait d'un possible attentat terroriste ». Le suspect interpellé, Hicham D, est un homme de 43 ans, de nationalité belge. Selon une source policière, il s'agirait d'un ancien militaire. Et voilà pour les informations dont on dispose ce soir concernant cette agression de deux policiers ce midi en région bruxelloise à Schaerbeek. Le parquet, je vous le rappelle, communique en affirmant qu'il s'agirait d'un possible attentat terroriste. Des perturbations ce soir sur le rail. Bon nombre de lignes sont concernées, des centaines de trains en fait. Entre 13h30 et 14h30, la gare du Nord à Bruxelles a été évacuée sur ordre de la police. Le trafic ferroviaire a donc été longuement bloqué. Infrabel, le gestionnaire du réseau, ne s'attend pas à une amélioration avant la fin de l'heure de pointe. Les suites à présent des auditions devant la commission d'enquête parlementaire consacrée aux attentats de Paris et Bruxelles. Les députés entendent depuis quelques semaines les principaux responsables des services d'enquête et de renseignement. Cet après-midi, ce sont les dirigeants actuels et anciens de la Sûreté de l'État qui sont entendus. Ce matin, c'était au tour du patron des renseignements militaires, le lieutenant général Eddy Testelmans. On retiendra de son audition cet aveu. Nous n'étions pas en possession d'informations qui auraient pu empêcher les faits qui se sont produits le 13 novembre ou le 22 mars. Écoutez-le. Je vous rappelle que, et vous avez certainement lu les rapports de la commission parlementaire en France, où là, les deux grands services DGSI et DGSE ont dit oui, nous, en effet, malgré le fait que nous sommes chacun 6000 et des personnes, on n'a pas pu prévoir ça non plus. De par la complexité, de par le fait que certaines capacités manquaient peut-être, mais chez nous, c'est certes le cas, que les deux services de renseignement manquent certaines capacités. Peut-être par malchance, ça joue un rôle aussi, mais je n'ai pas, en fait, une explication mathématique qui nous dit que voilà la raison pour laquelle vous avez raté le ballon. Je n'ai pas encore découvert chez moi, je suis désolé, pas encore découvert chez moi la raison ou les raisons pour lesquelles on n'a pas pu prévoir le 22 mars ou le 13 novembre. Des propos recueillis par Fabien Vanekout. La direction d'ING sera entendue vendredi à la Chambre en commission conjointe économie et affaires sociales. Lors d'une première séance, on entendra le patron et les syndicats. Lors d'une seconde, le Premier ministre, celui de l'Emploi et, si possible, le ministre des Finances. Le groupe a annoncé une vaste restructuration. Lundi, 3158 emplois vont disparaître, 1700 licenciements secs et la moitié des agences qui vont fermer en Belgique. Un repreneur a été trouvé pour la branche belge des magasins de vêtements MS Mode. La reprise concernerait la moitié des magasins et 60% du personnel. MS Mode compte 46 magasins, quelques 220 travailleurs en Belgique. Ces magasins sont fermés depuis la mi-septembre au lendemain de la déclaration de faillite par le tribunal de commerce. Un nouveau propriétaire pour les jardins d'Annevoix en province de Namur. La région wallonne et l'homme d'affaires Stéphane Jourdain qui possède le domaine ont mis leurs différends de côté. Ils ont signé un accord avec un investisseur belge qui réside en Suisse. L'homme s'appelle Ernest Tom Loumet. Il est gynécologue de formation, très actif dans l'industrie pharmaceutique à Genève. Mais il est aussi amoureux du patrimoine architectural et très attaché à ses racines wallonnes. Acquérir les jardins d'Annevoix et leur redonner toute leur splendeur, c'était pour lui une évidence. Ce domaine d'Annevoix est un domaine exceptionnel puisqu'il s'agit de jardins d'eau construits au XVIIIe siècle et dont peu de modifications ont été faites depuis le XVIIIe siècle. Par contre, ces jardins souffrent. Il y a une équipe en place qui fait avec enthousiasme le mieux qu'ils peuvent, mais les jardins sont en souffrance sur le plan technique, sur le plan des systèmes hydrauliques, sur le plan des bassins, sur le plan des végétaux. Et donc là, il y a une opportunité de remettre en état, d'assurer la pérennité de ces jardins, qui, je répète, sont exceptionnels. Une interview d'Hugo Van Pel notait que pour acquérir les jardins d'Annevoix, l'investisseur va débourser entre 3,5 et 4 millions d'euros. La semaine dernière, le gouvernement wallon a donné son feu vert à la transaction. Il reste encore quelques conditions suspensives à lever, mais les parties ont bon espoir d'y arriver d'ici la fin de l'année. Un nouveau bras de fer en vue au sein de la famille Le Pen en France. Le Front National et son ancien président s'affrontent cet après-midi devant le tribunal de grande instance de Nanterre en banlieue parisienne. En jour, il y a un tirard, il y a la réintégration de Jean-Marie Le Pen. Il avait été exclu du parti en août 2015. Jean-Marie Le Pen contre le FN, quatrième round. Le cofondateur du parti d'extrême droite doit être présent à l'audience en personne aujourd'hui pour réclamer ce qu'il estime lui être dû, sa carte du parti et son statut de président d'honneur du FN. Il les avait tous deux perdus après de nouvelles outrances. L'ancien leader frontiste reste sur 3 victoires consécutives face au parti de sa fille Marine, dont l'annulation de la suspension infligée à l'homme politique de 88 ans et la consultation organisée au sein du Front National pour modifier les statuts du parti afin de supprimer son statut de président d'honneur, ce qui fait de lui membre de droit de toutes les instances dirigeantes du FN. Son avocat va s'appuyer sur des considérations techniques et demander 2 millions d'euros de réparation. Le Front National ne semble pas disposé à plier et utilisera toutes les voies de recours contre son ancien patriarche. Et je vous propose de revenir un instant à l'information qui ouvrait ce journal, l'agression de deux policiers ce matin en région bruxelloise, à Schaerbeek. Le parquet confirme ce soir que l'auteur est bien un ancien militaire belge. Il était jusqu'en 2009 dans l'armée belge. Il est connu de la justice, entre autres, pour des contacts avec des combattants partis en Syrie. Le parquet qui communique également et qui affirme qu'il s'agirait d'un possible attentat terroriste. 17h08, très belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est toujours presque sérieux sur la première. On vous retrouve, Walid, et toute votre joyeuse bande. Et effectivement, retour de l'information tout à l'heure avec Sophie Brems à 17h pour soir, 17h30 pardon, avec soir première. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. Avec Walid. Ravi de passer une heure et demie avec vous tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Oui, c'est notre état d'esprit que nous partageons avec vous. L'actualité revisitée, revue et corrigée par vos beaux esprits du jour. Et ils sont là, présents durant cette heure et demie. Dernière ligne droite avant soir première. Et il y a autour de cette table Cédric Gervy qui accordera sa guitare dans un instant. Oui. Cédric Gervy, caméra gâchée. Vous rendrez un hommage à Monsieur Zigo, je suppose. Oui, pas uniquement, mais c'était l'occasion, quoi. C'était okay. Quelqu'un que j'aimais bien. Eh bien, merci. Voilà. Il est toujours fan, Cédric. Ça qui est bien avec lui. J'imagine votre chambre. Ah oui, c'est un nombre de posters que vous deviez avoir dans plusieurs couches. Phénoménal. Et sinon, Adolf Hitler. On va saluer Cindy Aizarli qui est avec nous également. Bonjour Cindy. Bonjour. Edgar Schotz, bonjour. Salut toi. Il y a Vincent Flibustier. Oui. Bonjour. J'étais resté bloqué sur Hitler. J'ai vu un truc rigolo qui m'a fait rire l'autre jour. Hitler n'était pas si méchant, il a quand même tué Hitler. Ah ouais, ah oui, c'est pas mal. D'une certaine manière. Philosophiquement, ça se tient. Il y a Raoul Reyers autour de cette table. Comme tous les jours. Comme tous les jours, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Je serai pas là le 7 novembre, je vous avais dit ça. Mais merci. Voilà, Raoul Reyers. Vous avez rendu votre petit RTT ? Oui, oui, c'est fait. Ah ouais, oui. Une demande de congé. Ah ouais, certif. Au certif, au tout, total. Je serai malade cette novembre. Merci. En attendant, nous, on continue cette aventure presque sérieuse avec l'agence de Presque. Mais avant cela, l'info, une des infos qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, c'est parti. C'est presque sérieux. C'est la première. Une presque star également à venir dans quelques minutes, mais parlons de cette information dont tout le monde parle aujourd'hui, autour de laquelle eh bien, on apprend qu'aucune règle n'oblige le secrétaire d'État Peter de Crème à travailler. Vous rendez, il n'y a aucune loi qui dit à un secrétaire d'État qui doit travailler. Le secrétaire d'État qui suit une formation de 6 semaines aux États-Unis, les membres du gouvernement peuvent organiser leur travail tout à fait librement, c'est ce qu'on apprend dans la presse. Son cabinet a précisé qu'il était en formation et que le coût de cette formation, 80 000 euros tout de même, est pris en charge par M. de Crème lui-même. Cela dit, il continue à percevoir son salaire de secrétaire d'État, bien qu'absent de la scène politique. Il sera d'ailleurs absent également cette visite du roi au Japon la semaine prochaine. Il suit donc en ce moment cette formation économique de 6 semaines à la Harvard Business School aux États-Unis, une formation qui se termine le 26 octobre. Et tant pis pour l'importante délégation économique qui accompagnera le roi Philippe au Japon et qui espérait sans doute compter sur l'appui du secrétaire d'État. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information ? Peter de Crème n'est pas obligé de travailler. Raoul Reyers. Peter de Crème, le ministre le plus inutile de Belgique alors qu'il est si tonique. Enfin, avec du jean. Cédric Gervy. Moi, j'ai mis, comme le disait la chanson, le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est CDNV. Ah oui, toujours en chanson, vous. Toujours. Oui, on a sur la page Facebook également cette chanson de Pierre Perret. Vous vous souvenez de cette chanson ? Les colonies de vacances. Ah ben voilà, c'est ça, c'est ce qu'on nous met en particulier sur la page Facebook. Je vous en lirai quelques-unes dans un instant. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information ? Peter de Crème n'est pas obligé de travailler, signé Zarelli. Le de Crème, encore plus fort que le forum. Ouais, pas mal ça. Edgar Schotz. Bah oui, à propos de vacances, moi je dirais de crème solaire. Oh, ouais, c'est pas mal. Et enfin Vincent Flibustier. Tout le monde ne se lève pas pour Danette. De crème Danette qui se lève pas dans son lit. D'accord. On a Alex Kismoud sur la page Facebook qui nous dit de crème postule comme ministre du cours de rien à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jean Van Castel qui dit le ministre de rien part faire du commerce à l'extérieur. On dirait bien que ministre c'est pauvre comme job, nous dit-on encore. De Crème se défend. Étudier avec la crème de la crème, c'est pas de la tarte. C'est ce qu'on a dit sur la page Facebook de l'émission. J'ai un tas de chemises si jamais il s'embête. C'est ce qu'on nous dit également sur la page Facebook de l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à retitrer cette information sur les réseaux sociaux. Et avant d'accueillir une presque star, quelqu'un qui fait parler de lui dans la presse, eh bien l'actualité, revue et corrigée, autrement dit l'agence de Presque. Comment vous dire ? Tout ce que vous allez entendrez complètement faux, mais attention, c'est avec de vrais extraits de JT. C'est parti. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. On s'y attendait, mais c'est tout de même un véritable choc. L'administrateur délégué de la guérilla des FARC, Elio Di Rupo, s'est écrasé sur la comète Chury afin de tromper les assurances. le Premier ministre Jean-Claude Juncker, mais aussi le leader palestinien Olivier Chastel, lance un appel à la grève pour ce vendredi. Le secrétaire général de la FGTB, Barack Obama, les a traités de fils de pute. Fin de citation. C'est cette information que l'on reçoit à l'instant. Vanessa Paradis dit avoir été suivie pendant 5 km par Charles Michel, ce qui lui pose beaucoup de problèmes. C'est une info que les étudiants en médecine attendaient impatiemment. Maggie de Bloch peut bien être conservée hors du frigo pendant quelques heures. Son mode traditionnel de conservation est donc sauvé. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. L'info autrement. Rassurez-moi, il y avait un extrait qui ne provenait pas d'un JT quand même. Si, tous. Tous. D'accord. Ah oui, pourquoi? Oui. Non, oui, d'accord. Il y avait un petit truc rajouté. Mais vous avez l'oreille. Une touche personnelle. Une petite touche personnelle, oui, voilà. En attendant, on va accueillir une presque star. Il répond au prénom d'Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Bonjour Walid. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Bien écoutez, ravi de vous avoir avec nous, on va s'intéresser à vous dans un instant, mais pour quelle raison on parle d'Ibrahim? Eh bien, on parle de lui dans la presse, à vous de le déterminer, on revient vers vous dans 1 minute 30, le temps pour nos chroniqueurs du jour de me poser une série de questions, je ne réponds à leurs questions que par oui ou par non, c'est une tradition. Artistique. Artistique. C'est pas une question ça. Pour le secteur artistique, ouais. Pour le secteur artistique, non. C'est le conseiller actrice de Peter de Crème. Non, c'est pas le conseiller actrice de Peter de Crème. Il travaille dans le social. Dans le social, non. Est-ce qu'il est comédien? Comédien, non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Il a inventé quelque chose, il a mis en place quelque chose. Les cours de gym mixte? Les cours de gym mixte, non. Est-ce que c'est multimédia, digital? On est dans l'informatique. Il a développé une app? Pardon? Il a développé une app. Une application. Terminez vos phrases. C'est ce que je dis à mes enfants. Parce qu'une belle nappe, c'est toujours bon. C'est vrai que Raoul, le jour où il développera une nappe, elle sera bien repassée. Voilà. Alors, il en développe, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on parle de lui. D'accord. C'est un système informatique qu'il a mis au point. Ce n'est pas un système informatique. C'est un objet. Non, ce n'est pas un réseau social. C'est pas un réseau social. C'est destiné à tout le monde. C'est destiné aux gens qui ont envie d'entreprendre. Ah. Du crowdfunding. Ah non, c'est pas du crowdfunding. Ça aide à se lancer comme indépendant. Alors, non, mais je vous propose. Un groupe social en. Un système de paiement en ligne. On n'est pas très loin, d'y s'écouter. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors. Ah, c'est comme du coworking ou un truc comme ça? On n'est pas très loin, on va dire que c'est presque ça. C'est du partage. C'est du partage et il propose justement un endroit à Molenbeek. C'est le cofondateur de Molengeek. C'est bien plus qu'un événement, c'est un espace de coworking. Ah oui, c'est ça, oui. Où on peut louer son bureau et tout ça. Où des jeunes entrepreneurs viennent travailler sur leurs projets, que ce soit du networking ou partager leur expérience avec d'autres qui souhaiteraient grandir leur expérience. Alors c'est ouvert à tous, n'est-ce pas Ibrahim? Oui, c'est ouvert à tous, exactement. Oui, c'est ouvert à tous. En fait, c'est un espace, plus qu'un espace de coworking, c'est un espace d'idéation parce que c'est totalement gratuit, au fait. On sélectionne les startups et les personnes qui sont incubées chez nous par rapport à leur motivation et à leur projet et pas par rapport au montant d'un loyer fixé. Alors, donc, vous avez pour mission donc, l'encouragement à l'entrepreneuriat dans cet esprit de respect de la diversité culturelle, de genre, de génération, de compétences. Donc, on retrouve pas mal de monde. Chez vous, ça se trouve où exactement? Ça se trouve à 10 mètres, enfin 20 mètres de la station Comte de Flandre. Donc, on est tout près de la commune de Molenbeek. Donc, on est juste à côté de Comte de Flandre. Alors, comment faire pour venir et postuler? Qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir un espace dans lequel je puisse travailler? Je fais quoi? Vous commencez par virer Raoul. On fait quoi exactement? En fait, quand on vient à Molenbeek, c'est bien plus qu'un espace qu'on recherche, mais c'est bien une communauté et c'est un partage des personnes qu'on recherche. Mmh. Donc, bien plus que des mètres carrés et une connexion Internet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste nous envoyer un email via le website. Mmh. Et nous demander un rendez-vous. Et là, à partir de là, nous, on a un entretien avec vous et on regarde si le projet est innovant et s'il est compatible avec l'esprit de la communauté Molenbeek. Vous avez combien de startups à ce jour qui sont hébergées chez vous? Excusez-moi. Vous avez combien de startups à ce jour? Combien d'entreprises chez vous? On a une communauté de 120 personnes actuellement. Ah oui, quand même. Oui. Oui, c'est 120 jeunes et on les différencie par les réellement actifs, donc ils sont présents au moins deux fois par semaine. Mm-hmm. Là, il y en a une soixantaine. D'accord. Donc, c'est une bonne moitié qui sont réellement actifs. Et ils partagent leurs projets et vous les encouragez, enfin vous les aidez à mettre en place leurs projets. Comment ça se passe ? Exactement. Enfin, ils viennent avec leur projet et au fait, nous, les responsables du coworking et les autres startups, on challenge ce projet-là. Donc, on essaye vraiment de faire en sorte qu'il soit carapacé un maximum. Mmh. Et notre métier aussi, c'est de les mettre en connexion avec des personnes qui puissent les aider, donc des mentors ou des compagnies qui sont à la recherche de telle technologie ou de telle autre technologie. Donc nous, notre job, c'est vraiment de créer des événements, de faire des workshops et de les mettre en connexion avec d'autres pour qu'il y ait un réel succès dans leur entreprise. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'un parcours, d'un bagage. Il faut avoir une bonne idée, être motivé et avoir envie. Exactement. Il faut vraiment... on n'a besoin d'aucun background, je veux dire, académique. On a juste besoin de quelqu'un qui a surtout envie. Et même si on n'a pas de projet, j'ai envie de dire, Wally, on peut venir parce qu'on peut intégrer une autre équipe, donc une autre start-up, où d'ici peu, on va lancer, en mois de février, on va ouvrir une école de codage. Et donc là, à partir de là, donc on va donner des cours pour apprendre à coder et à faire des applications. Ah oui. Et ça, c'est ouvert vraiment à tous. Donc encore une fois, c'est pas grand académique. Ah ben c'est pas mal ça. Tiens, dans les idées innovantes des startups pour le moment, il y en a pas mal. Qu'est-ce que vous avez en magasin ? Donnez-nous envie. Ah, on en a vraiment plusieurs. Donc on a une start-up ici qui s'appelle TIL, donc T-I-L, ouais. qui permet de faire du tourisme alternatif. En gros, c'est un algorithme qui permet de trouver un autre Wally qui se trouve aux États-Unis pour aller visiter les endroits préférés de l'autre Wally aux États-Unis, par exemple. Hey. Et on a d'autres, vraiment beaucoup d'autres start-up comme Street Access qui est pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est vraiment un Google Map où on a le meilleur itinéraire dans Bruxelles pour pouvoir atteindre un endroit, mais pour les personnes à mobilité réduite, donc ça prend en compte les trottoirs et beaucoup de choses. Eh ben voilà, en tout cas un nouvel espace entièrement dédié aux startups et à l'innovation. Il y a une inauguration d'ailleurs qui se fera le 26 octobre prochain, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, c'est le 26 octobre prochain et ça commence à partir d'11h. Eh ben vous nous invitez ? Vous êtes toutes les bienvenues. Ah ben voilà, on viendra avec nos idées, nos projets, on viendra passer un moment avec vous du côté de Molenbeek. Molenbeek. Ouais, c'est un nom génial, Molenbeek. Ibrahim était notre presque star du jour. On retrouvera d'ailleurs toutes les informations si vous souhaitez prendre part à cette activité sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première. Merci Ibrahim. Nous, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec l'actualité revue et corrigée en musique, s'il vous plaît, avec Cédric Gervi qui accorde sa guitare. Et on parle de qui, Cédric ? Il est très fan de Brahim, en tout cas. Oui, j'ai trouvé ça génial. Alors, TIL, c'est génial parce qu'on espère que le truc fonctionnera, comme ça on pourra dire comment va TIL, machin. Merci Chantal. C'est presque sérieux sur la première. Demandez un devis pour vos portes et fenêtres auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Inscrivez-vous sur sapachassis.be. L'aluminium, c'est notre métier. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça ! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 € le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 € le mètre carré, soit 3,73 € la plaque largeur 60 cm, 7,46 € largeur 120 cm. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Nouveau, Comiakasa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comiakasa ! Apportez un peu de chaleur. Tritop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi les Belges laissent leur argent sur des comptes épargne qui ne rapporte quasi plus rien. Eh bien parce que personne ne vous dit que la bourse à long terme est historiquement l'investissement le plus rentable avec 8% de rendement annuel en moyenne depuis 1900. Ni qu'il existe les fonds indiciels qui permettent d'investir sur le plan mondial à très peu de frais. Pour accéder à la bourse mondiale simplement, follow Jack sur tritopam.com. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. La première. Mobile Info. 17h23, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Pierre, situation sur nos routes. On va commencer par une bonne nouvelle, c'est que c'est terminé pour l'accident sur la Nationale 89, barrière de Champlon-Bouillon, qui provoquait la fermeture de la chaussée. Donc elle est rouverte sur le ring de Bruxelles, des ralentissements, mais assez habituels pour le moment. Vous perdez toujours 15 minutes sur le 25 Maastricht-Liège entre Visé et Cherat dans les travaux, et 15 minutes également vers Bruxelles sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Cherat. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, figurez-vous qu'en Chine, quand vous offrez un cadeau, la tradition veut qu'il soit mis de côté sans être ouvert. Oui, même un bon ballotin de praline, ils arrivent à se maîtriser et à pas l'ouvrir. Hein. Ils sont forts, les Chinois. Avec Bruxelles Invest et Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Invest et Export, créateur de perspectives. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Soir première avec Sophie Brems dans un peu plus de 5 minutes maintenant. Le temps pour Cédric Gervy bien de nous entonner une chanson en lien avec l'actualité. Le titre de cette hymne pour vous aujourd'hui, Caméra gâchée, en clin d'œil à Monsieur Zigot et à l'époque où la télé faisait encore rire, parfois vraiment. Voilà, exactement. Et je suis content d'être là. Attends, mais il y aura plein de hey, hey, donc Bob si vous voulez faire plein et de t'as taillé, t'es fan quand même. Ah ouais, à fond la quasi. Si donc ta taille arrête, dommage mais on a rue de la loi, plein de ventriloques à paillettes qui sont prêts à tout pour nos voix. Ainsi les murs de la capitale envoient des verges et des pas mûrs, on voit même fleurir des trous de balles, mais les vrais les espacent bien sûr, mais les vrais les effacent bien sûr. Ainsi on perd Monsieur Zigot et Kim Kardashian se fait braquer. Pour une fois que c'était pas porno, de la voir en caméra cachée. C'est un nouveau bain de sang social, mais non je parle pas d'ING. Je parle de Kim qui est au plus mal, deux jours qu'elle n'a rien publié. Deux jours qu'elle n'a rien publié. Ainsi c'était toutes les infos, celle qu'on retiendra, celle qui compte. Comme ça ceux qui nous regardent d'en haut vont bien rigoler sur notre compte. Vous pouvez éteindre la télé et reprendre enfin une vie normale, comme nous le disait PPD après le journal de Claire Chazal. Après le journal de Claire Chazal. Ainsi il se passe pas une journée sans qu'on parle des frasques d'Hanouna. Faut qu'on m'explique ce qui a bugué dans le cerveau des fans de ce mec-là. Car si on calcule le QI d'un pauvre politicard trompé, je voudrais connaître celui de ceux qui ont permis le retour de Milquet. Ont permis le retour de Milquet. On est pendu au résultat, mais non Trump, tout ça on s'en fout. Mais des premiers pas des pandas, quand d'autres ne marcheront plus du tout. On parlera pas d'Alep, surtout pas devant la machine à café. Déjà la fin de Brangelina, ça a eu du mal à passer. Ça a eu du mal à passer. Ainsi c'était toutes les infos, celles qu'on retiendra, celles qui comptent. Comme ça ceux qui nous regardent d'en haut vont bien rigoler sur notre compte. Vous pouvez éteindre la télé et reprendre enfin une vie normale, comme nous le disait PPD après le journal de Claire Chazal. Après le journal de Claire Chazal. Cédric Gervy. Merci beaucoup. Très je suis fan. Ah ouais, bah je suis. Bah on est tous fans de Cédric. Ouais. Vous faites des posters, Cédric Gervy. La question qu'on se pose. J'en veux qu'un. Mettre au-dessus de votre lit. Bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, merci à vous, Cédric Gervy. Une émission à retrouver sur le rtbf.be/ovion, la podcastant. Merci Raoul Reyers. Merci Walid. Merci Cindy Aizarelli. Merci Edgar Schotz. Merci Vincent Filipe. Merci à tous. Rendez-vous sur la page Facebook pour continuer à commenter l'actualité avec nous. On se retrouve demain, même endroit, même heure, 16h-17h30 pour refaire le monde. monde de l'actualité avec un peu de recul et on en parle sérieusement de l'info tout de suite avec Sophie Brems qui vous accompagne 17h30 soir première et qu'est-ce que je voulais vous dire, oui n'oubliez pas de faire un bel accueil encore une fois aux gens qui vont vendre des post-it au profit de Cap 48, on en a besoin et on compte sur vous, on compte sur vous également, soyez présents demain 16h sur la première. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Ce mercredi, Le Monde est un village s'ouvre aux musiques celtes, un univers qui semble inépuisable, une galaxie de chansons et de musiques malicieuses, généreuses. C'est à écouter ce soir dans Le Monde est un village. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovieux. La première et la trois présentent. Ils se cognent comme des insectes aux vitres de leur existence. Vania. Un Tchekhov drôle et fougueux mis en scène par Christophe Sermet. Prix de la critique 2015, meilleur spectacle. Au rideau jusqu'au 15 octobre. Info, rideaudebruxelles.be. Avec le soutien du journal Le Soir. Carglass répare. Carglass remplace. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme les tartares de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. La première présente... Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui... Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement.